Hier soir, j'étais à faire la vaisselle, c'est-à-dire que je nettoyais mes scalpels, bistouri, trocars, pinces, perceuses, scies radiales et sauteuses. Bref, tout ce que bon chirurgien utilise. Lorsque, soudainement, le téléphone sonna. Je me suis précipité dans le poteau pour répondre. Oui, je sais, Horace, ça fait un petit parpaing vert, mais faut faire avec, il est dans le poteau le téléphone. Et c'était un sondage, encore un de ces maudits sondages sur les transports en commun. « Qui prend ça, les transports en commun? » lui ai-je demandé. Je ne lui ai pas laissé le temps de répondre et j'ai aussitôt repris. « Moi, je préconise les transports avec un seul corps à la fois. En connaissez-vous beaucoup, vous, des corbillards à 60 places, pauvres crétins? » Avec tous les cons qu'il y a sur la route, le seul véritable transport qui compte est le dernier. Parce que de toute manière, au final... Ils mènent tous au même terminus. Et j'ai raccroché. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Et je vous l'ai dit, bien pire. Parce que vous devriez toujours vous poser cette question avant de me consulter. Pourquoi est-ce qu'au-dessus de la porte, il est inscrit « Aucun échange, vente finale ». Priez. Pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Go! Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. En ce 25 avril de l'an des disgrâces 2017. Vous devriez être indulgent avec moi ce soir parce que je manquerai possiblement de voix éventuellement. Virus. On vient d'entendre un bloc qui était constitué de formations uniquement new-yorkaises. Soit à l'instant, Brutal Fruit et l'excellente Jimenez Cricket, très bonne pièce qu'on trouve sur un album aussi intéressant, soit Sound of the Animal Kingdom, qui est alors quatrième à paraître en 97 sous étiquette Relapse. Juste avant, nous avions Nuclear Assault et la pièce d'ouverture de leur troisième album, And All Will Care, soit New Song, qui est paru en 1989 sur In Effect. Album qui, moi, j'ai toujours trouvé intéressant, mais que la qualité d'enregistrement laisse à désirer par contre. Avant Nuclear Assault, nous avons Biowizard, formation made in Brooklyn, New York. La pièce Down for Life, c'est tiré de leur troisième album, State of the World Address, paru en 1994 sur Warner. Et chose à noter ici avec Biowizard, l'ont dit deux d'être parmi les premiers groupes à avoir fusionné le hardcore et le metal avec certaines influences rap. À cette époque-là, rap, je suis pas super certain, là, mais bon. States of the World Address a été un album très, très populaire, entre guillemets, pour les amateurs de métal, les amateurs de métal en général, je parle, cette année 94, dont j'en faisais partie parce que, ça m'avait accroché. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait à cette époque-là. À cette époque, ce quatuor qui aujourd'hui est redevenu comme à leur début un trio. J'ai toujours apprécié cet album et finalement je me surprends moi-même à le faire dormir trop longtemps. Je me suis intéressé à Biowizard d'aller jusqu'à, moi je dirais, l'album de 99, New World Disorder, avec lequel j'avais eu un peu plus de difficultés. Mais honnêtement, les quatre premiers, soit l'homonyme Biowizard, Brand Discipline, States of the World Address, on vient d'entendre l'extrait, et le quatrième de 96, Matar Leaho, c'est des albums que j'ai trouvé fort intéressants et je vais m'appliquer à les redécouvrir avec plus de d'attention, voilà. Et on est ouvert avec N-Trax, vous aurez tous reconnu N-Trax, je suppose, et la pièce AIR, pièce d'ouverture de cet album qui porte le nom de Spreading the Disease, leur deuxième à être paru en 1985. Non, j'en ai aucune idée, moi, pourquoi notre téléphone est dans le poteau, Horace, je le sais pas du tout, puis j'en ai absolument rien à foutre. Ah! Ben oui, possiblement, c'est vrai, t'as raison, c'est une hypothèse qui en vaut une autre. Probablement que le téléphone est resté installé dans le poteau parce que l'installateur avait la pétoche d'entrer dans le manoir. Ben voilà, ça s'explique. Cette semaine, c'est la dernière émission du mois d'avril, donc il y aura la présentation de l'album marquant de ce mois-ci qui s'arrête à la formation Marrakech, comme je l'ai dit la semaine dernière, ainsi que la présentation d'une nouveauté, oui, soit du début avril, pas encore relativement nouveau, là. Quoique c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui disent qu'une semaine après, ce sont des vieilleries, donc c'est une vieillerie. Une formation qui donne dans un Stoner Doom, soit Blood Raven, ça c'est dans environ, je dirais, 15-16 minutes, peut-être 17, peut-être voire 20, je sais pas. Et j'aurai aussi une chronique musicale et une micro-chronique cinéma et série télévisée parce que j'ai vraiment pas écouté grand-chose. On va poursuivre musicalement. Ah oui, justement, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, et j'en suis bien, bien, bien heureux, j'ai reçu, enfin, mon pack qui comprenait le CD, le dernier CD d'Aggression, Fragmental Spirit Devils, qui est paru sur Extreme Music, ainsi que le t-shirt de l'album, qui est fort beau. J'ai réussi, c'est un grand terme, là. J'ai fait certaines demandes à gauche et à droite, et j'ai été exaucé. Et d'ailleurs, j'ai une discussion avec mon ami Denis Sasquatch Bart, aujourd'hui même, et puis m'expliquait que les enregistrements sont faits, 9 nouvelles pièces. Je peux pas vous en dire énormément parce que, bon, premièrement, Denis a pas voulu en dire plus qu'il fallait non plus. Mais quoi qu'il semblait-il que ce serait un petit peu plus tendance punk hardcore. 9 pièces originales dont il est très fier, semble-t-il. Ils sont actuellement magasinés une étiquette de disque qui voudrait les signer, bien entendu. Il est possible qu'il y ait une tournée d'Aggression, qui sont actuellement en tournée plus tard dans l'année ici au Québec. J'ai pas encore de détails à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour ces gars-là, pour Denis aussi, qui est un vieux pote depuis plus de 30 ans, qui a jamais arrêté. Toujours persévérer, et puis je pense que c'est chose due de pouvoir être récompensé un jour. Et d'ailleurs, on va aller écouter une pièce d'Aggression justement sur leur dernier album, Fragmented Spirit Devil. On va écouter l'excellente Chapels of Horror. Let's go! radiofou.ca. Vous êtes passionné ou curieux du monde de la course automobile? Vous voulez en savoir sur la technologie des véhicules électriques? Dans l'émission En piste avec Tania Baudin, on discute de tout ça et bien plus. Formule 1, NASCAR, karting, World Rallycross, En piste avec Tania Baudin, les mercredis à 14h. Bonjour, ici Noé Talbot qui vous parle en direct de la 4e Rivière. Je voulais pas dire que c'est fou de jouer à C'est fou, fait que c'est débile de jouer à C'est fou. Mon tout dernier extrême à Tannes, j'ai failli l'appeler. Qu'est-ce qui est écrit? Trois-Rivières. Sauf qu'il n'y a pas de crevette à Trois-Rivières. Fait que j'ai appelé ma Tannes. Vous écoutez Noé Talbot sur les ondes de C'est fou. Il reste qui, ce qui est pour nous dire adieu. Si on a déjà tout vendu, même notre Dieu. Cogeco et la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières vous proposent Bernard Adamus et son spectacle en Threesome, s'il vous plaît, le 22 septembre, La Touchante Béris le 19 octobre et Tire le Coyote le 30 novembre. Pour tous les détails, visitez enspectacle.ca. Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. FM. Oui, voilà. On vient d'entendre la formation Aggression et l'excellente pièce Chapel of Horrors qui est tirée de Fragmented Spirit Devils. Leur troisième album paru le 10 novembre 2016. Et selon la discussion que j'ai pu avoir avec Sasquatch Bart aujourd'hui, bien. Je suppose que le nouvel album est en préparation. On va passer dans un mouvement un peu plus death metal avec des formations telles Blood Red Throne. On va entendre aussi Incantation, mais tout de suite, allons-y avec une très bonne pièce du nouvel album de Immolation, autre formation qui vient de New York, tiens. Atonement, cet album, leur 10e, paru le 24 février dernier. Allons écouter Destructive Currents. Let's go! Earth. Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Ne manque pas le prochain spectacle présenté au Salon Wabasso de la Chope du Trou du Diable. Pour une soirée groove, rock, qui te permettra un voyage dans les ondes ultra graves et assouvira ton âme avec les dieux du rock. C'est vendredi le 28 avril dès 21h avec Sunvest, Floating Widget et Octoblood. Une présentation de Vincent Pic et le Trou du Diable. Pour plus de détails, visite la section événements du www.troududiable.com. Du lundi au jeudi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Médecine, sport, sciences, musique, vocabulaire, politique, discussion. Actualité, connaissances générales, gadgets, malbouffe, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Assemblage requis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, en direct à partir de 7h30. Assemblage requis. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 17h. Je répète, 19h54 et vous êtes toujours à l'écoute de l'animation des Undead Incorporated Show. Ouais, effectivement, c'est pas mal le cas ce soir. C'est le show des morts vivants incorporés dont je fais partie. Avant la pause publicitaire, on a entendu un silence, c'est parce que je m'étais endormi. Ben non, c'est faux. On a entendu la formation norvégienne Blood Red Throne, une pièce tirée de leur sixième album. Je dis sixième, mais dans les faits, c'est huitième album, Union of Flesh and Machine, paru en 2016 sur Candlelight. La date exacte est le 15 juillet dernier. La pièce étant Exposed Mutation. C'est un des albums que j'ai beaucoup aimé en 2016. Juste avant, The Pennsylvania Incantation et la particulière, du moins pour la fin, From a Glaciate Womb, qui est tiré de leur dixième album, Dirge of Elysium, paru en 2014 sur Listenable. C'est leur dernière date d'aujourd'hui. Et on a ouvert avec Immolation, formation de New York, et une pièce tirée de leur très bon dixième et dernier album, dernière parution, paru le 24 février dernier, soit Atonement, paru sous étiquette Nuclear Blast, la pièce en étant Destructive Currents. Côté cinéma, eh bien, ça va être short and sweet. Ben, actuellement, en salle, il y a la formation. Ouh! Il y a le film Phoenix Forgotten, qui est un film d'horreur à connotation science-fiction, qui est un film de Justin Barber, et qui raconte l'histoire de 20 ans après que 3 adolescents aient disparu, après que des lumières mystérieuses apparaissent au-dessus de Phoenix, en Arizona. Les séquences vidéo de cette nuit sont découvertes récapitulant les dernières heures de leurs expéditions fatales. Et selon ce que j'ai pu en lire, il semblerait que ce serait un des cas... en fait, ça semblerait être basé sur des faits vécus, ou peut-être même vaincus. C'est un des cas les plus particuliers de ce qui pourrait être les présences extraterrestres ici sur Terre. Film que j'ai écouté, et que j'aurais donc pas dû faire ça, c'est... Rings, le cercle, qui se veut une suite du très bon de 2003 de Rings, qui se voulait lui-même être une adaptation américaine de l'original Ringu de 1998, film en 2003 qui avait été fait par Gore Verbinski, voilà. Ici, ça se veut une suite, parce que dans la séquence des films The Ring, il y a le premier. Ben, faisons abstraction de l'original japonais, là, pour pas trop se mêler. Je parle des séquences américaines. Il y a le premier, 2003, The Ring. 2005, on faisait The Ring 2, qui était... Je voyais pas le rapport, là. Et ici, on a décidé, le cinéaste Javier Gutiérrez a décidé qu'il refaisait le deuxième, que celui qui avait été fait, c'était de la merde, qu'il fallait passer par-dessus et en refaire un. Ben, Javier, tu t'es planté toi aussi, parce que c'était assez mauvais, merci. Et finalement, moi, j'ai considéré que c'était possiblement une insulte à Gore Verbinski pour son très bon film de 2003. On sait plus quoi faire, hein, dans le cinéma d'horreur, mais c'est décourageant de voir ça, à quel point les cinéastes sont dépourvus d'imagination. Ils sont tellement imprégnés et imbibés de stéréotypes usés à la corde qu'ils nous ramènent tout le temps les mêmes histoires poches. Et pourquoi sont-ils obligés dans plusieurs, peut-être pas les chacune des productions d'horreur, mais plusieurs de ce type de production, de nous foutre une histoire d'amour là-dedans? On en a rien à foutre de ça, nous autres. C'est des films d'horreur qu'on veut voir. Quand quelqu'un écoute un film d'horreur, c'est pas parce qu'il veut voir un film d'amour. Bon, come on, là, les producteurs, là, passez-vous le mot, puis faites-nous des vrais films d'horreur, parce que c'est en voie de perdition, puis pas à peu près. J'ai pratiquement terminé la deuxième série, la deuxième saison de Outsiders. Et je dois dire que après le plus du trois quarts de la saison, c'est vraiment très bon. Donc j'ai hâte de la conclure. Ça doit se faire sous peu. Vraiment très très bon Outsiders. Je recommande à tous ceux qui aiment les concepts un peu, je dirais, hors la loi. Moitié, dans le cas ici, c'est moitié bikers, moitié hillbillies. C'est vraiment vraiment très très bien. Je pense que c'est une saison qui est tout aussi bonne que la première. Musicalement parlant maintenant, ce vendredi, soit le 28 avril, le nouvel album de Firespawn, formation suédoise de death metal, sera disponible sous Century Media. L'album porte le nom de Reprobate. Firespawn, pour vous situer, c'est un des projets de LG Petrov, maintenant de Entombed AD. C'est très bon, j'avais beaucoup aimé le premier album Shadow Realms de 2015, et je suis certain que celui-là va être aussi tout aussi intéressant, devrais-je dire. Truc que j'ai découvert, formation suédoise également, qui porte le nom de Vampire. Pochette très peu attirante, et le nom, je me disais, ça a été un petit peu utilisé souvent. Formation qui donne dans un death thrash metal, signé sur bonne étiquette, par contre, c'est Century Media. J'ai pris la chance de découvrir ça et j'ai vraiment trouvé ça bon, mais c'est excellent. L'étiquette est death thrash metal, mais personnellement, je dirais peut-être plus trash à connotation, parfois plus heavy metal, un peu plus traditionnel à la Satan et compagnie. C'est vraiment des riffs super intéressants qui donnent en fait, le nom Vampire, même si on sait que c'est utilisé pour, je pense, une douzaine de fois dans des noms de groupes, là, c'était bien choisi parce que ça donne vraiment une atmosphère très transylvanienne. C'est vraiment un très bon album qui porte le titre de With Primeval Force. Je le présente la semaine prochaine. Autre truc intéressant, formation qui donne dans un technical death extreme metal, formation américaine Artificial Brain. Et l'album Infrared Horizon, qui est paru sous peu sur Profound Lore Records, c'est disponible en digital. Si vous êtes des amateurs de musique à la Gorguts, entre autres, Obscura, si vous aimez un peu la connotation djent dans ça, vous devriez retrouver votre compte. C'est assez bien musicalement. Le point faible du groupe est le chanteur Will Smith, c'est pas l'acteur, là, mais là, pas du tout. Qui est très guttural, mais un guttural qui est pas très bien développé, je dois dire, ou exploité, mais se confond quand même pas mal à la musique, donc on peut passer par-dessus. Mais Artificial Brain fait une très bonne musique, très éclatée. Je présente ça la semaine prochaine aussi, ainsi que On Even Structure, qui est un technical progressive djent metal, formation française, avec leur dernière parution qui s'appelle La Partition, qui est sur Long Branch Records, disponible en CD et LP. C'est une découverte, je dois dire. Ça se confond avec le progressif, effectivement, le death metal legend, qui est très parfois extrême. Et chose particulière, c'est que le vocal qu'on retrouve dans Uneven Structure est majoritairement un vocal dit clean ou propre, si on veut. Pas souvent, pas beaucoup de guttural, pas beaucoup de métal à quelques endroits, mais c'est vraiment pas fatigant en ce qui me concerne, moi qui n'ai pas un fan de ce genre de vocal-là. Ça va très bien avec le style du band. Donc, je vous en proposerai aussi un extrait la semaine prochaine. Tant qu'à cette semaine, ben, je vous parle de la formation Blood Raven, formation américaine qui donne dans un doom stoner metal. Il s'agit de leur premier album qui porte le titre de Jotun, qui est paru de façon indépendante. Ouais, je m'excuse. Qui est pas du tout à part ça. Qui est paru de façon indépendante. Il y a à peine, je dirais, c'est le début du mois d'avril, là, donc on peut dire à peu près 3 semaines, un peu moins. Moi j'ai beaucoup aimé. J'aime au départ le style Stoner Doom. C'est un style qui m'attire. Ce que j'ai aimé avec Blood Raven, c'est que c'est ça se prend pas au sérieux vraiment. C'est assez minimaliste, mais assez efficace en même temps. Puis ça me rappelait un peu par moment, peut-être, certains segments de Cathedral dont je suis un fan. Donc j'ai beaucoup aimé. Ça peut ressembler aussi à l'occasion à certains riffs de Corrosion Conformities de 2012 à 2014. Évidemment, le segment plus stoner, plus southern metal. Et parfois un peu down. Donc, écoutez, je vous laisse vous en faire votre propre idée. Formation qui devrait intéresser les amateurs du genre. Je vais vous faire écouter à l'instant deux pièces qui sont tirées de cette première parution, Jotun, soit les pièces Hour of the Dragon, qui est pour moi une des excellences, et la pièce d'ouverture, ainsi que Black Moon. Vous êtes à Réanimation. Let's go! Bloodraven, formation du Maryland qui donne dans un stoner doom metal. Je m'excuse. Ben non, pas en tout. Si je raconte là, moi. Ouais, t'as raison, toi. Restons mal polis. Merci, Horace. Formation qui donne dans un stoner doom metal. Formation qui a signé son premier album de façon très, très, très indépendante. Paru le 3 avril dernier. Jotan, moi j'ai beaucoup aimé cet album. Ben, en fait, je l'aime encore. Là. J'aime le mood qui s'en dégage. C'est lourd, c'est pesant, mais en même temps, il y a une espèce de magie, je trouve, qui s'en dégage. Donc là, j'incite tous ceux qui aiment le genre stoner, connotation doom, d'écouter la formation, premier album de Bloodraven. On a entendu la pièce Black Moon à l'instant, et c'était précédé de l'ouverture de cet album, Jotan, soit Hour of the Dragon. Ceci étant dit, je vous parle de la présentation de l'album marquant du mois, qui s'adresse cette fois-ci à la formation anciennement de Jérusalem, maintenant de Hollande, soit Melakesh, formation qui donne dans un Black Death Middle Eastern Folk Metal, pour donner le descriptif exact, semble-t-il, et je suis passablement d'accord avec ça. Formation qui existe depuis 1995 et que j'ai eu le plaisir de voir une seule unique fois, et j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Formation qui est composée de quatre, ben en fait maintenant, à l'époque quatre, mais maintenant trois membres, soit Lord Curse, batterie et la percussion, Moloch, guitare, Saz, Bendir, Bouzouki, percussion, vocale, backing bien sûr, ainsi que Melakesh Ashmedi, qui est le leader du groupe, qui est le chanteur principal, la guitare, la sitar, keyboards, piano, percussion. Formation qui a exactement actuellement 6 albums à son actif. Il ne m'en manque qu'un, qui est le premier, As Jerusalem Burns, Al Intisar, qui est paru en 96, je l'ai jamais vu. Donc, par contre, les autres, Gin, Sphinx, Emissaries, DP Genesis et Enki, le dernier paru en 2015, sont tous des albums qui valent la peine vraiment d'être découverts. C'est un style qui est très original. On réussit à embarquer une musique plus traditionnelle du Moyen-Orient de façon admirable dans ce groupe. Je vous propose aujourd'hui d'écouter ce qui serait la face A de l'album The Hippie Genesis, qui est paru le 1er octobre 2010 sur Nuclear Blast. On va entendre 5 pièces qui sont dans l'ordre respectivement Ghosts of Nineveh, pièce que j'ai placée à quelques reprises ici à Réanimation, Grand Kadas of Baal Sin, Sacred Geometry, The Magician and the Drones, et la pièce Mystic of the Pillar. This is Melakesh. Let's go! Bedard from Melakesh. You're listening to Reanimation, the Undead Incorporated show on CFOU 89.1 FM. Crank your thighs, bring us some magic! Yeah. Ce printemps, Cogeco et la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières s'éclatent avec Martin Périzzolo les 5 et 6 mai, Fabien Cloutier le 19 mai, Phil Roy le 25 mai et le YouTuber PL Cloutier le 10 juin. Pour tous les détails, visitez enspectacle.ca. Vous êtes passionné ou curieux du monde de la course automobile? Vous voulez en savoir sur la technologie des véhicules électriques? Dans l'émission En piste avec Tania Baudin, on discute de tout ça et bien plus. Formule 1, NASCAR, karting, World Rallycross, En piste avec Tania Baudin, les mercredis à 14h. Prenez-vous le geek comme un compliment. Le Mathieu Planchot vous comprend. Suivez la chronique télévisuelle Television Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, sans oublier la rubrique Jeux vidéo d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, tous les mercredis de 15h à 17h. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. C'était la présentation, c'était la présentation de l'album marquant du mois qui s'adressait cette fois-ci à Marrakech, formation qui originellement vient de Jérusalem, mais maintenant, depuis un certain nombre d'années, ont élu domicile en Hollande, simplement parce que ils n'étaient plus bienvenus dans leur pays. Je me demande bien pourquoi. On a rendu 5 pièces de cet album, The Epigenesis, qui est paru le 1er octobre 2010, leur 5e album. On a rendu les pièces avant la pause publicitaire Mystics of Pillar, précédé de Magician and the Drones, Sacred Geometry, la précédée. Nous avions Grand Cadas of Baal Sin, une pièce très intense. Nous avons ouvert avec l'ouverture de l'album qui est faite par Ghosts of Nineveh. Une excellente pièce, un très bon album qui est bon dans son entier. Cette semaine, je vous rappelle que ce vendredi, dès 11h, pour les vrais amateurs de vrai rock, vous êtes invités à vous joindre à nous à Rock Classique. Compagnie du Rockmaster Alain Lefebvre et de moi-même, votre humble serviteur, nous vous présenterons une émission dite à connaissance, programmation dite régulière, si on veut, mais c'est jamais vraiment le cas. Alain va vous présenter nouveaux opus de Procolarum, ainsi que, bien entendu, une face d'un album classique qui est sorti à 45 ans, soit le 28 avril, ça sera vraiment là, en 72, Argus de Wishbone Ash. Dans la chronique des groupes obscurs, Rockmaster vous parlera de la formation espagnole Barón Rojo. Et puis, tant qu'à moi, ben, j'aurai ma chronique habituelle, la fonte chez les amateurs de rock. Il y aura bien sûr ça passe ou ça casse, les éphémérides, les beaux programmes d'antan et toutes sortes de niaiseries qui vont accompagner tout ça pour 6 heures de variété fort intéressante. Aussi, ne manquez pas ce vendredi également dès 18h30 notre ami DJ Tower of Death et son émission Subversion. Pardon. Tower qui nous anime toujours de façon, ma foi, fort colorée et nous présente toujours des trucs qui parfois on les a peut-être oubliés, effectivement. Donc c'est un peu un historien du métal, si on veut, ainsi que je vous incite à aller consulter les rubriques de notre ami Sinistros sur son blog urbamore.com. Et tant qu'à moi, la semaine prochaine, je vous rappelle que j'y serai pour la quatrième avant-dernière émission de réanimation avant la pause estivale, dans laquelle je vous présenterai les formations Vampire et Artificial Brain. Je vous laisse cette fois-ci avec une pièce qui est un advance en bon français de ce qui sera à paraître du nouvel album de Suffocation, formation légendaire et mythique du death metal des années, fin des années 80, une formation de Long Island. L'album étant Of Dark Light, qui paraîtra le 9 juin prochain sur Nuclear Blast. Je vous propose la pièce Your Last Breath. Et restez des nôtres parce que dans quelques minutes, les gens de Matière Noire seront des vôtres. On sera là la semaine prochaine et d'ici là, allez tous vous faire foutre. C'est